Thank you. Thank you. Ça m'a désaccordé la guitare en force de tirer sur le coup. Thank you. C'est l'heure de manger.